J'ai cru encore une fois sur toi, pas pour toi. J'écris toujours un peu, ça me soulage parfois. Au milieu de mes sentiments, peu importe que ce soit, l'amour, la colère, la vengeance, l'amitié te perdra. J'écris pour mon intolérance, je ne respecte plus rien. Je sais, tu vas sûrement me dire que je suis resté gamin. Mais peu importe si je m'éloigne de toi, de ta main, je cacherai toujours ma haine de vivre, et ce, jusqu'à la fin. J'écris pour l'inhumanité qui parfois nous entoure. Tu sais, la vie, c'est aimer et recevoir en retour. Je réfléchis à pourquoi tu m'as brisé ce jour, alors que ma confiance pour toi était plus forte que l'amour. Encore un jour où je me lève pour ne pas être dans tes bras. Encore un jour où j'en crève de ne pas être là pour toi. Encore un jour où je rêve d'une vie si loin de toi. Encore un jour où je t'aime sans que personne ne le voie. Encore un jour où je me lève pour ne pas être dans tes bras. Encore un jour où j'en crève de ne pas être là pour toi. Encore un jour où je rêve d'une vie si loin de toi. Encore un jour où je t'aime sans que personne ne le voie. J'écris pour une joie de vivre qui m'a souvent tenu, quand un bonheur presque invisible nous est tombé dessus. On s'est accroché à lui sans savoir, sans issue. Puis il nous a glissé des mains, puis je t'ai perdu. J'écris pour un cœur en morceaux, recollé petit à petit, et qui bien sûr est tombé quand tu es parti. Jamais je n'aurais pu penser me sentir si trahi. En fait, l'inhumanité, c'était toi, tant pis. Encore un jour où je me lève pour ne pas être dans tes bras. Encore un jour où j'en crève de ne pas être là pour toi. Encore un jour où je rêve d'une vie si loin de toi. Encore un jour où je t'aime sans que personne ne le voie. Encore un jour où je me lève pour ne pas être dans tes bras. Encore un jour où j'en crève de ne pas être là pour toi. Encore un jour où je rêve d'une vie si loin de toi. Encore un jour où je t'aime sans que personne ne le voie. Encore un jour où je me lève pour ne pas être dans tes bras. Encore un jour où j'en crève de ne pas être là pour toi. Encore un jour où je rêve d'une vie si loin de toi. Encore un jour où je t'aime sans que personne ne le voie.